Non. Mais quoi qu'il se passe, et quoi qu'on dise, la vie terrasse, on choisit de se laisser faire ou de vivre les choses. On agit avec ce qu'on a dans le cœur. Inutile de dire sentiment. La vie, certains disent des malentendus. Moi je dis que le stress n'est pas un hasard. À Site 2000, Zen Safara, avec ou sans objection, notre objectif on l'atteindra. On représente, que les gens le veulent ou pas. La foi on l'a en nous. Funky Bouddha Prod, militant dans l'âme et le combat. Non, des objectifs à atteindre. Le cœur blessé et la foi. Je m'écris. On a plus joie pour se faire entendre. Brailler sous les halls, sous le liquide ne suffit plus. Donc je conspire contre ceux qui veulent qu'on se tire avant l'heure. Je transpire car mon pire cauchemar est une vie inutile, donc sans labeur. La peur me pousse à l'extrême. Un extrait des textes très conscient car cela n'excuse pas les fautes. Faut qu'on m'entende, donc que le mariage diffuse. À savoir que la censure a du sang sur les mains. Que la formation passe forcément pareil. Je dirai maintes et maintes fois. Il est le parrain, d'où ma haine. La haine, elle n'apporte que les guerres. Mais existe-t-il encore une guerre saine? Je suis celui qui sue pour être reconnu. Tu reconnaître le félon, le moment venu. Acide, militant de ses limitants, avec aucune règle. Je suis celui qui sue pour être reconnu. Qui sue reconnaître le félon, le moment venu. Acide, militant de ses limitants, avec aucune règle. Hey, va falloir prendre des résolutions. Que les révolutions des halls deviennent réalité. Car solution, mon rap une abolition pour esprit endommagé. Quoi, dommagé, tant de choses à dire, tant de choses à faire. Et les miens statent comme des personnes âgées. Non, gars, faut qu'on se batte pour nos revendications. Non, dans les têtes, je sais que ça stresse. Car l'hypocrisie blesse dans les rangs. Mais laisse, car l'homme qui ressent est le grand. Nul ne doit avoir honte de ses sentiments. Je rappe avec le cœur, donc je crie. Je vis ce que je dis, je prie Dieu de voir nos rêves se réaliser. Même si aujourd'hui on est pénalisé. Frangin, inutile de baliser. Si tu suis le chemin balisé, par les anciens, par les anciens. Mais si l'on se tient au message de ces anciens. Aujourd'hui banalisé, c'est pour finaliser ses ambitions. C'est le Safara en mission. Je suis celui qui sue pour être reconnu. Je suis reconnaître le félon, le moment venu. Acide, militant, ne se limitant avec aucune règle. Je suis celui qui sue pour être reconnu. Je suis reconnaître le félon, le moment venu. Acide, militant, ne se limitant avec aucune règle. Donc le revoilà qui acide con. J'ai des choses à dire et je vais les dire quitte à ce qu'on prenne. Pandar en arène, je prémédite chacun de mes gestes. Parraine indigeste, quitte à passer le reste. Car je n'ai plus rien à perdre, sache-le. Mon existence quant à son but reste un énorme point d'interrogation. Car si la vie nous baisse, n'est-ce pas là un inceste? T'as là de quoi méditer, éditer, médire. Dis vérité, médite, un tox héréditaire. D'une éditaire d'asile, t'assimile quand acide milite. Y'a mille itinéraires pour une seule issue. Seul celui qui sue, on récoltera les fruits. Je suis celui qui sue pour être reconnu. Lui qui sue reconnaître le félon, le moment venu. Acide, militant ne se limitant avec aucune règle. Je suis celui qui sue pour être reconnu. Lui qui sue reconnaître le félon, le moment venu. Acide, militant ne se limitant avec aucune règle. Je suis celui qui sue pour être reconnu. Lui qui sue reconnaître le félon, le moment venu. Acide, militant ne se limitant avec aucune règle. Celui qui sue